uniquement dans la première partie du livre, pourquoi je n'ai plus voté depuis 1989. C'est-à-dire depuis que j'étais candidat à un âge relativement jeune, et donc à l'âge de 20 ans, et depuis je n'ai plus jamais voté. Mais ça ne gêne pas finalement qu'il y ait des élections, que les gens s'abstiennent ou qu'ils participent, parce que je pense précisément que les élections sont un spectacle, comme la vie politique en général, un spectacle un petit peu ridicule mais assez insignifiant en fait. Moi, si vous voulez, ce qui me gêne beaucoup plus dans l'idéologie démocratique, c'est surtout lorsqu'elle s'exprime au moment où il y a des mouvements sociaux, au moment où il y a des révoltes. Et à ce moment-là, on nous explique qu'on ne devrait pas se révolter parce que le gouvernement est démocratique, parce qu'il est légitime, parce que la loi a été votée. Et ce, même lorsqu'il fait des choses aussi atroces que, je sais pas moi, la traque des sans-papiers, la répression récente dans les centres de rétention, des choses comme ça. Donc moi, ce que je veux surtout, c'est que ce dispositif stérilisateur, qui est l'argument démocratique final, finalement, celui qu'on nous assène pour nous expliquer qu'on doit rester tranquille et ne réagir que les 2 ou 3 ans, pardon, c'est-à-dire quand on nous donne la parole, soi-disant, à travers le vote, et là, c'est surtout ça que je veux critiquer. Mort à la démocratie, entre guillemets, d'un auteur qui s'appelle Léon de Matisse et qui, fantastiquement, est parmi nous aujourd'hui. Formidable. Formidable. Donc, avant de démarrer dans le vif du sujet, Mort à la démocratie, c'est quand même un joli titre qui en dit long et qui, j'imagine, fait grincer quelques dents. Oui, alors à l'origine, c'était. Enfin, à l'origine, ça a été un tag, en fait, qui a été. Écrit sur les murs de l'EHESS occupé durant le dernier mouvement anti-CPE. Et alors, ce qui était amusant avec ce tag, c'est qu'il a été pris en photo et filmé et répandu dans tous les médias comme étant vraiment la preuve de la folie irresponsable et destructrice. Destructrice, délirante. Des gens hordes de gauchistes. Voilà, des hordes. Qui menacent nos enfants. De nihilistes, même, monsieur. Même, voir ça. Qui occupait cette école. Alors, c'est pour ça que j'ai repris ce titre, parce que justement, je me suis dit, si on s'intéresse à la démocratie et qu'on essaye, ne serait-ce qu'un tout petit peu, de la critiquer, déjà, on est pris pour un fou. Donc tant qu'à faire, autant critiquer à fond. Ou plus simplement un fasciste. Ou un fasciste. C'est souvent ce qu'on entend. Oui, oui, mais voire même quelqu'un qui n'a plus tout à fait sa raison. Donc mort à la démocratie, c'est quand même entre guillemets, puisque c'est une citation en quelque sorte. Sur le quatrième de couverture de ce livre, on découvre en fait, mon cher Léon, que vous avez pris parti, enfin vous avez participé à des élections municipales quand vous étiez jeune, donc quand vous aviez 20 ans, vous n'étiez pas ni anarchiste ni antidémocrate à l'époque. Alors comment s'est passée cette expérience douloureuse? Oui, alors c'est une sorte de coming out, mon cher Alfred, effectivement, car il s'agit bien de le dire, autrefois, mais c'était il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années, en 1989, très précisément, étant jeune et naïf, j'étais effectivement, à un moment donné, candidat dans un parti de gauche à une élection municipale. Et j'ai tiré de cette expérience un dégoût profond pour les partis politiques en général, pour les vertus démocratiques en général, pour les systèmes électoraux en général. Et c'est ce que je raconte dans une première partie, donc effectivement, comment les choses se sont passées à cette époque-là, et comment, ayant voté donc en 1989, d'ailleurs, même pas pour la liste en question, mais blanc, comment j'ai décidé ensuite de ne plus jamais voter. Et depuis, je n'ai jamais pris part à aucun scrutin. D'accord. Et alors, en fait, vous racontez un peu, j'imagine, toutes les magouilles ou les tensions internes. Mais justement, c'est ça l'histoire, c'est qu'il n'y a pas tant de magouilles que ça, finalement. Enfin, il y en a, certes, mais c'est pas des révélations extraordinaires sur, je ne sais pas moi, un financement occulte. Ou... Non, c'est plutôt le quotidien, en fait. C'est plutôt l'ordinaire, en fait, des relations entre les gens. L'ordinaire de la vie politique à un niveau municipal, mais qui n'est jamais que le reflet de la vie politique en général, à un niveau plus élevé. Et de ce que ça suppose d'hypocrisie, de ce que ça suppose de, je sais pas moi, de compromission avec tout ce qu'on déteste. Enfin bref, je crois qu'il faut lire le livre pour comprendre ce sentiment-là. Mais le livre se résume pas à ça, hein. Ça n'est que la première partie. C'est la première partie, oui. Et ensuite, on passe à 2 autres parties qui sont, on va dire, un petit peu plus générales. Donc la deuxième partie parle plus du vote en lui-même. Elle s'appelle « Élection piège à con ». D'accord. Sobre, élégant, efficace. Ça résume un peu la situation actuelle, d'ailleurs, enfin, ou future. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous répondez quand, face aux inévitables et sempiternelles critiques médiatiques ou autres, ou je dirais quotidiennes, qui visent à dire que bah, si vous ne votez pas, vous êtes forcément en train de faire le jeu de l'extrême droite et que donc vous êtes un fasciste. C'est quand même extrêmement agaçant. Ça, on l'a vu énormément en 2002. Tous ceux qui avaient eu le malheur de signaler dans leur entourage que non, que vraiment, que le mois de mai, ils étaient partis à la pêche, se sont vus traiter de tous les noms. C'était assez marrant parce qu'il y a eu énormément de mails qui ont circulé, des mails d'insultes, des remails d'insultes, des retours, enfin toutes sortes de choses. Un buzz assez énorme autour de ça. C'était plus élargi que ça, parce qu'à partir du moment où on n'avait pas voté Jospin, on était un traître. C'est ça, donc en fait on arrivait à cette situation assez paradoxale où si vous ne votiez pas comme la démocratie que vous voulez que vous votiez, vous étiez un fasciste, donc un antidémocrate. Il y avait quelque chose qui personnellement m'a toujours gêné, qui n'a pas l'air de gêner d'ailleurs les gens qui continuent à perpétuer ce genre d'idées, je ne sais pas, qu'est-ce que... Voilà, bah en fait, donc la seconde partie parle du vote, la troisième partie qui s'appelle « Mort à la démocratie » parle de manière un peu plus fondamentale de la théorie démocrate en quelque sorte. Et l'idée que je développe, c'est que de toute façon, la démocratie, c'est un chantage en fait. C'est un chantage, c'est-à-dire que si vous ne participez pas aux élections, si vous ne votez pas pour la démocratie, si vous n'engagez pas en sa faveur, eh ben, vous aurez pire. Voilà, hein, tout simplement, si on n'a pas la démocratie, ben on aura la dictature, on aura le chaos. Et donc, puisqu'il faut quand même essayer de conserver encore un petit peu le semblant de justice sociale, entre guillemets, qu'on a, et ben autant défendre la démocratie. C'est le principe de la démocratie, elle n'est jamais parfaite et elle tire de son imperfection même, en fait, un argument pour sa défense. Oui, je ne suis pas parfaite, mais il faut que vous engagiez pour moi, parce que de toute façon, si ce n'est pas moi, ça sera pire. Donc on revient au vieil adage qui est en première page du manuel de tous les dictateurs, à savoir on gouverne mieux un peuple qui a peur. Mais de toute façon, je pense que c'est la peur qui détermine encore maintenant le principal argument en faveur de la République ou de la démocratie. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, pourquoi il fallait voter Chirac en 2002 ? Bah, parce que sinon, ça serait Le Pen, donc ça serait pire. Chirac, c'est pas génial, Le Pen, c'est pire. Mais c'est qui fait ce chantage-là ? Si on se pose la question quand même. Qui c'est qui vous dit, attention, si vous n'avez pas la démocratie, vous aurez la dictature ? C'est l'État. C'est qui est capable de mettre en place une dictature ? C'est l'État. Donc en réalité, l'État nous dit tout simplement, voilà, je vais être plutôt cool avec vous, mais vous avez intérêt à être gentil, sinon je vais sortir le martinet. D'un autre point de vue, la démocratie, c'est aussi un système, c'est le moins pire, soi-disant, qu'on ait trouvé jusque-là. Parce que j'imagine très bien que l'une des premières questions qu'on va vous opposer, c'est oui, mais d'accord, c'est pas terrible la démocratie, mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour s'y opposer, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour proposer quelque chose d'alternatif. Enfin, là, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, forcément. Mais... En gros, soyez constructif et non pas destructif. C'est vrai. Alors que ce livre, en réalité, témoignant, je pense, du fond de mon caractère, est entièrement critique et entièrement destructif. D'accord. Mais c'est mal. Mais oui, et ça oui, vous oui. fait rire en plus. Et oui, en plus ça me fait rire. Espèce d'inconscient. Donc il s'agit justement pas de donner clé en main la moindre instruction sur ce qu'il faudrait faire à la place. Mais je crois que quand on dit, comme disait d'ailleurs Churchill, la démocratie est le moins mauvais des systèmes, parce que c'était ça, c'est une citation de Churchill entre autres. Donc il disait, je crois, c'est le moins mauvais des systèmes à l'exception de tous les autres, d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un système? Donc il faut aller au fond des choses. Il faut dépasser la question de la démocratie et se dire. C'est pourquoi il y a un système, il sert à quoi? Donc pourquoi il y a un État? À quoi ça sert l'État? Et pourquoi y a-t-il effectivement une oppression capitaliste? J'oserais le mot... Comme vous y allez. Comme j'y vais, voilà. C'est un peu comme parler maintenant de l'oppression capitaliste ou de l'exploitation capitaliste, c'est un peu comme critiquer la démocratie, quoi. C'est pas... Oui, je vous rappelle qu'il existe évidemment, comme chacun sait, un capitalisme à visage humain. Voilà, et pareil, il existe un État à visage humain, c'est l'État démocrate, soi-disant. Donc, il s'agit d'aller au fond des choses et de se poser la question, effectivement, pourquoi il y aurait besoin d'un système et pourquoi il y aurait besoin d'un État? Alors, effectivement, si on part du principe que de toute façon, il y a besoin d'un État, on ne pourra jamais s'en passer. De toute façon, il y a besoin d'un système capitaliste, on ne pourra jamais s'en passer. Alors, tant qu'à faire, autant avoir le moins pire de tout ça. Donc, autant avoir la démocratie. C'est ce raisonnement-là, justement, qu'il s'agit d'attaquer et de contredire. En plus, c'est le raisonnement, c'est le plus difficile, parce que c'est le raisonnement le plus répandu et le plus joyeusement répété par, ad vitam nauseam, par tous les médias, que ce soit évidemment les médias écrits, radio ou télé. C'est systématique. Ceci dit, il s'agit d'attaquer la démocratie pas seulement en tant que démocratie représentative, c'est-à-dire justement en tant que système d'État, mais aussi de montrer que le démocratisme ou le citoyennisme, en quelque sorte, se répand au-delà même de la sphère purement, j'allais dire, étatique et politique traditionnelle, vers les luttes sociales. Et c'est plus ça, en fait, qui me gêne. Et je pense qu'au bout du compte, appeler à l'abstention, finalement, les gens s'abstiennent ou qui votent, à mon avis, ça ne change pas grand-chose. Mais par contre, que les procédures démocratiques aussi délirantes que le vote pour aller bloquer une fac ou un truc comme ça, comme on l'a vu dans le CPE, que ça se répande dans les luttes sociales et que ça empêche en réalité les gens d'agir, ça me gêne beaucoup plus déjà. Qui parle aujourd'hui d'un concept, comment dirais-je, has-been, la démocratie. Et surtout extrêmement discuté en science-fiction, justement, on y reviendra tout à l'heure. Voilà. C'est l'anticipation sociale, la politique-fiction, la science-fiction d'une manière générale, le fantastique, dans l'étude du possible, c'est-à-dire finalement l'essence même de ce genre littéraire, s'intéresse énormément et en de nombreuses occasions, et ce quelles que soient les époques, au concept de démocratie et plus généralement à toute forme d'organisation sociale, souvent pour le critiquer d'ailleurs. Effectivement, on pourra citer 1984 de George Orwell dans le genre critique d'organisation sociale. Ouais. Ou je sais pas, caricature ou enfin même pas caricature à l'heure actuelle. Qui relève plus de la dénonciation du totalitarisme, voilà, dans son ensemble, mais la critique nécessaire de la démocratie est intéressante parce qu'elle est finalement peu abordée en science-fiction. C'est surtout la dictature qui est critiquée. On va en parler tout à l'heure, mais je crois qu'avant vous aviez quelque chose à demander à Léon de Matisse, qui est avec nous, on le rappelle quand même, l'auteur pour parler de son livre Mort à la démocratie. Joli titre s'il en est, publié chez l'Altiplano. Effectivement. Non, ma question était tout simplement de savoir, parce que toujours en me faisant un peu l'avocat du diable, si vous critiquiez la démocratie actuelle, celle qu'on subit chaque jour comme effectivement garante de la paix sociale, ou si vous critiquiez plus la démocratie en tant que concept, et effectivement certains pourront vous opposer si vous critiquez la démocratie en tant que concept, que finalement peut-être la démocratie directe, c'est une des formes les plus intéressantes qu'on ait pu, expérimenter. Alors, c'est certain que l'essentiel du livre parle de la démocratie telle qu'elle existe, de la démocratie telle qu'elle est pensée par les auteurs classiques et jusqu'à nos jours, donc la démocratie représentative, la redémocratie d'État. Mais plus loin que ça, je pense que le livre pose la question de la démocratie directe. Et apporte un certain nombre de critiques à ce concept, en fait, sans forcément prendre parti de manière définitive, puisque c'est plutôt là un débat qui est ouvert. Autant la démocratie étatique est à critiquer, je pense, radicalement, autant en ce qui concerne la démocratie directe, on est plutôt dans l'ouverture du débat. Mais ce qui me semble, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que lorsque justement on est engagé dans un mouvement, ou lorsqu'on essaye d'organiser un certain nombre des actions, des discussions, des manifestations, donc on est dans cette situation-là, qu'on se retrouve dans des AG, il y a toujours une espèce de tentation de démocratie directe qui serait là, et à mon avis qui est en fait la tentation du formalisme, la tentation d'avoir une idée préconçue de ce que c'est qu'un débat, une idée figée en fait, lorsqu'on est en, on doit discuter dans ces formes-là, et en réalité on se rend compte que ces formes-là, et c'était très très sensible au moment du mouvement du CPE, mais je crois que ça l'a été aussi avant, y compris dès 1986 dans les coordinations cheminotes et étudiantes, c'est en réalité une manière de s'empêcher de faire des choses, et même, je dirais, une manière de s'empêcher de se parler, et de se parler, de se comprendre vraiment. Et c'est ça que je critique, en fait. C'est ce côté figé, formaliste, et ce côté que, je crois, le concept de démocratie directe véhicule, ce côté où on a déjà, en quelque sorte, décidé de ce qu'allaient être les formes de la discussion. Alors, je sais, évidemment, que s'il y a cette notion de démocratie directe, c'est pour éviter que certains ne s'emparent du pouvoir subrepticement et que tout le monde, finalement, puisse participer aux décisions collectives. Le problème, c'est qu'aucun des formalismes démocrates n'a jamais pu empêcher ça. Tous ceux qui ont déjà assisté à des réunions où il y a des gauchistes qui manipulent l'Assemblée assez facilement se sont rendus compte que ces règles-là ne permettent pas, en réalité, d'empêcher ce genre de problème, et qu'à mon avis, il faut trouver d'autres types de fonctionnement pour éviter ça, mais certainement pas une espèce de référence justement à la démocratie qui charrie malgré tout tous ces concepts et cette conception classique qui nous vient de l'histoire et de l'histoire de l'État. Alors je vais rebondir sur ce que vous dites, donc par rapport à la... à l'angoisse en tout cas que peuvent véhiculer les concepts de démocratie, même critiqués sous forme de démocratie directe, avec la sortie prochaine en poche du livre plutôt passé inaperçu à l'époque d'Alain Damasio, qui s'intitule La zone du dehors, publié il y a déjà 3 ans maintenant dans la collection Sidibris, aux éditions Sidibris. Damasio est devenu en quelque sorte une espèce de star de la littérature de SF en France avec la publication il y a un an et demi de La Horde du Contrevent, joli roman qu'on avait chroniqué en son temps. On avait d'ailleurs interviewé plusieurs fois Alain Damasio, qui a commencé quand même, faut le savoir, par faire une critique pure et simple de la démocratie transposée en mode science-fictif avec La Zone du Dehors, qui sort ces jours-ci, là, d'ici peu, d'ici quelques semaines, quelques jours, dans la collection Folio SF chez Gallimard. Donc on retombe un peu dans le giron de la SF, mais le livre est intéressant en ce sens qu'il met en scène une société humaine qui est basée sur une des lunes de Saturne et qui est une société évidemment démocratique, et qui va se voir critiquée par quelques individus a priori incontrôlables, jeunes, qui ont envie un petit peu de foutre le feu. Et on est vraiment dans un roman plutôt philosophique, extrêmement bien fichu, qui met en scène la démocratie et ses limites, à savoir la démocratie dans tout ce qu'elle a d'oppressif et dans tout ce qu'elle a évidemment de dictatorial pour ceux qui la refusent. Et c'est clair que, évidemment, le livre est à mettre en rapport avec votre propre ouvrage, Mort à la démocratie, parce que finalement, d'une certaine manière aussi, il contient un élément romanesque, mais se nourrit de débats avant tout idéologiques sur la démocratie. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'effectivement, la démocratie, en tout cas la démocratie molle, et le par sa façon d'intégrer subrepticement tous les éléments déviants, est assez effrayante. Hein. Vous partagez un peu ce sentiment, j'imagine. Oui, elle a un côté, c'est ça, stérilisateur et figé. Et c'est clair que si on fait justement la comparaison entre le mode de fonctionnement plus dictatorial et le mode de fonctionnement démocratique, on voit bien qu'effectivement la démocratie, c'est ce qui va éventuellement essayer d'intégrer sa contestation et de la rendre inopérante, plutôt que, comme le fait la dictature, de tenter de couper à la racine, d'éradiquer la contestation. Est-ce que vous pensez être compris ? Est-ce que vous avez cet espoir-là ? Bah, à vrai dire, je pense plutôt, dans un premier temps, choquer éventuellement, et être compris, ma foi, on verra bien comment le livre sera pris. C'est vrai que le livre vient de sortir là, cette semaine, donc c'est peut-être difficile encore à dire. Ceci dit, vous avez peut-être eu quelques réactions extérieures, on ne parle pas de vos amis, mais plus, en dehors, ou de votre famille, ou quelqu'un qui ne serait pas... Bah, pour le moment, non, en fait. Pas beaucoup de réactions, justement, par rapport à ce livre, parce que je crois qu'il faut l'avoir lu en entier pour en comprendre vraiment le propos. Et le titre, simplement, il faut bien le dire, il a un petit côté, justement, choquant, provocateur, intentionnel. Mais après, je crois que le contenu est encore beaucoup plus provocateur, finalement. D'accord. Bon, il faut quand même. Voire comique. Il faut quand même préciser que c'est pas parce qu'on critique la démocratie qu'on trouve que c'est un peu du caca, pour parler crûment, qu'on est forcément pour la dictature, parce que c'est quand même l'idée préconçue que la majorité des gens ont. Oui, mais ce que vous dites, c'est ça qui est intéressant, c'est ce que vous disiez vous-même, monsieur de Matisse, tout à l'heure, c'est que et d'ailleurs ce qui est même précisé sur la quatrième de couverture, je vais le lire simplement, je pense que c'est beaucoup mieux dit que tout ce que je pourrais dire. La démocratie, comme le capitalisme d'ailleurs, est devenu l'horizon indépassable de notre époque. Tout discours qui tendrait à la remettre en cause est disqualifié d'avance. On ne veut tout simplement même plus l'entendre. C'est un tabou, on est bien d'accord. Et critiquer la démocratie, c'est finalement avouer son fascisme, ni plus ni moins. On en est là, c'est quand même malheureux. Voilà, c'est à peu près ça. Un système comme qui se veut comme étant pluraliste, un système qui se veut plutôt gentil avec l'opposition et qui accepte même la critique, qui devrait même se nourrir de la critique, finalement, on vise à l'interdire, ni plus ni moins, pour son propre bien. Bah, il s'agit soit de la récupérer, la critique, c'est-à-dire que c'est l'idée, en fait, de dire ah oui, la démocratie critiquable, mais il ne faut pas la critiquer dans son essence, il faut seulement la critiquer de manière gentille. Donc, ça, c'est l'aspect que je disais tout à l'heure d'intégrer la contestation. Et puis à un moment donné, effectivement, si la contestation va trop loin ou elle est plus intégrée, elle est combattue. Mais le propre de la démocratie, quand même, c'est effectivement de laisser en gros les gens parler, hein, du moment que leurs paroles ont peu d'effet. Et c'est quand même le passage à l'acte en général qui est plutôt vraiment réprimé. Sinon, on peut écrire ce genre de bouquin et puis la réaction en général, c'est une insulte, mais c'est pas forcément quand même de mettre l'auteur en prison. Enfin, on verra, remarque.